dis-moi que c'est pas fini, que c'est juste par ennui que tu vas revenir aujourd'hui. Au pire, je veux bien te